Relations intergénérationnelles. La presse People ne se lasse pas de relater la sexualité jugée hors norme de célébrités qui ne sont plus de première fraîcheur, et vivent cependant de folles passions avec de magnifiques jeunes créatures. Ce genre d'article est vendeur, car la population s'offusque de la vie intime d'autrui et va jusqu'à se montrer désagréable là où il serait sage de balayer devant sa porte. Si la relation n'est pas forcément évidente à gérer pour les messieurs, c'est bien pire encore pour leurs compagnes. Ces fameuses poufias arrogantes inspirent malencontreusement souvent le mépris. Or, diverses raisons peuvent amener une jeune femme à l'aube de la vingtaine à s'amouracher d'un mâle bien plus âgé. Il se trouve que le charme de la maturité et l'image rassurante qui inconsciemment reflète un transfert paternel peuvent se révéler bien plus craquants que l'insolence de la jeunesse. Par ailleurs, il est fréquent que la pétillante demoiselle se trouve flattée qu'un tel homme la remarque. Sachant que culturellement il y a tout à y gagner, car les discussions ne se limitent pas à la dernière série à la mode. De plus, à cet âge, les hommes ne passent plus leur temps à se saouler entre potes. Il se trouve qu'après 43 ans, l'âge de la maturité chez les hommes, ils sont généralement posés et ont eu l'occasion d'apprendre de leurs erreurs, ce qui permet d'envisager l'avenir avec sérénité. La sécurité matérielle qu'apporte ce lien peut également attirer. En effet, il est bien plus agréable de vivre dans la prospérité que d'avoir à compter sans cesse pour boucler ses fins de mois. D'un point de vue charnel, cela peut être fort intéressant pour la demoiselle. Les faveurs de quelqu'un d'expérimenté vont lui faire découvrir le plaisir sous une autre intensité et permettre à l'ingénu d'atteindre plus rapidement l'épanouissement sexuel. De plus, la différence d'âge donne une autre dimension au couple, qui va devoir s'adapter continuellement et trouver l'équilibre entre deux mondes totalement différents, ce qui est fort enrichissant. Seulement, ce type de liaison doit surmonter un certain nombre d'obstacles. Il va notamment falloir apprendre à affronter les regards dans la rue et apprivoiser les proches. D'autant plus que le galant homme est généralement livré avec une ex-femme pas toujours sympa et quelques marmots turbulents et récalcitrants. Malgré cela, l'amour peut se montrer plus fort et faire preuve de longévité grâce à une relation respectueuse qui lèvera le doute sur une supposée fragilité relationnelle. Finalement, c'est certainement la jalousie qui fait jaser lorsque ce petit monde perçoit le bonheur et l'équilibre que trouvent ces couples peu conventionnels, là où les relations considérées comme normales se brisent à la moindre tempête. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.